Toi t'aimes les filles qui font les follow sauf fidèle. T'aimes pas quand elle t'ignore, toi t'aimes trop quand tu profites d'elle. Je peux pas quitter ma zone, mon poteau, je suis trop fidèle. C'est pas ma faute, si la rue, moi je suis fou d'elle. Et dans mon aile, j'ai la tête un problème. Tout le monde me rend fou, des fois j'ai envie de te monter. T'as beau raser la barre, t'as beau laisser la touffe. Je te reconnaîtrai moi-même sur le casque roof. Maintenant tiens, charbon, tiens même tes gérants. Je me rappelle moi quand tu faisais le souffle. En tant que t'as pas su s'inquiéter, ta maman s'inquiétait. Présent à tous les paroles, certitude trop répétée. Et profite de ta life même si c'est pas le 5 étoiles. Essaie de faire tomber le nerf, discrètement aimer les voiles. Tu baisses les yeux quand tu passes mais ta daronne c'est que tu fumes. Tu rentres chez toi malade, sur le chemin tu parfumes. Avec tes problèmes sans faire chauffer seul à seul. S'ils sont plusieurs, cache ton âme sous la selle. Plus rien à foutre, j'ai trop l'énergie, je vais m'aérer. Quand je recompte mon bénéfice, je repense combien j'ai galéré. Et je repense au poteau solo qui s'est fait transférer. Et à ceux en cellule qui ont pris un coup qu'on serrait. Oh laissez-moi, quand je suis perdu, aidez-moi. Moi si je me fais péter, j'irai jamais que c'est moi. Oh laissez-moi, quand je suis perdu, aidez-moi. Moi si je me fais péter, j'irai jamais que c'est moi.